Bonjour, bonjour, Pinodien, Pinodienne, amis des ondes et de l'au-delà, c'est Cargo Culte. Nous y voilà. Bienvenue dans ce cargo culte, tout particulier aujourd'hui. Il commence sous des auspices étranges d'ailleurs. Techniquement, il a failli pas se faire. La box a sauté à la maison. Podcast d'urgence, déménagement et me voici dans un nouveau local, près de vos oreilles, tout du moins je l'espère. Et puis près de quelque chose d'absolument essentiel dans la musique et toute musique confondue. Aujourd'hui, On va rentrer dans la sève même de ce qui fait et ce qui donne à la musique son aura d'éternité parfois. Je le dis tout de go, c'est La Monte Young qui est en place. La Monte Young et Marianne Zazila. C'est un couple qu'on a déjà évoqué hein, sur les ondes de Cargo Culte. Ils sont ici réunis pour un disque prénommé, et le disque dit exactement ce qu'il contient, hein, The Tempuras of Pandi Pranath, donc les tempuras du Pandi Pranath. Les tempuras, on le sait bien, alors on peut dire tempuras, tambura, ça change un petit peu hein, selon la spécificité géographique de l'Inde, mais c'est cet instrument comme ça avec un très long corps et puis prolongé en bas par une gourde ou alors une double gourde. Et qui a donc la spécificité d'être un instrument ultra résonnant, un instrument propre à générer les bourdons, propre à générer les drones, sur lequel les solistes raga, que ce soit des solistes chanteurs ou des solistes instrumentaux, vont poser justement leur soli. Très, très rarement, si ce n'est jamais en fait, n'a été édité un disque de tempura solo, c'est-à-dire qui soit totalement dédouané de l'aspect plus ou moins fonctionnel qu'on pourrait donner au drone. Le drone, c'est absolument pas une nouveauté, c'est quelque chose qui était quasiment omniprésent dans la culture européenne au Moyen-Âge. Puis ma foi, la Renaissance et la musique baroque a fait qu'on a un petit peu nettoyé tout ça parce que ça appartenait peut-être un peu trop au domaine du trivial, mais ça n'a jamais disparu des musiques ethniques. Mais et de musique exo-occidentale, notamment la musique indienne, musique avec un degré de complexité largement au-dessus de la gamme tonale chromatique européenne telle qu'on la connaît. Je ne veux pas dire qu'on fasse rien avec cette gamme-là, hein, on l'a prouvé, mais nous on a 12 notes, les Indiens ils en ont le triple ou plus. Tout ça pour dire que donc le drone avait peut-être déserté un camp, mais quand il y est revenu, et plutôt en force, voire en forme de provocation dans la musique savante occidentale, c'est par le biais de La Monte Young. La Monte Young invente et il est aussi un passeur. Je ne vais pas faire aujourd'hui un long portrait, enfin la saga de La Monte Young, c'est quelque chose qui prendrait des heures, ce serait passionnant, c'est quelqu'un sur lequel on reviendra. Les œuvres de La Monte Young sont des œuvres fleuves, ultra longues. J'ai en tête le Waltz une piano qui est édité sur un CD, DVD de 5 heures, mais enfin, on peut imaginer une version largement supérieure à ça. Quant à la notion de durée, la notion de temps chez La Monte Young, mais aussi tous les minimalistes qui vont lui envoyer le pas, c'est une notion qui tend même à disparaître, au profit parfois d'un son éternel. C'est tout à fait ce qui se passe dans la Dream House de La Monte Young. La Dream House, elle est basée au cœur de Tribeca, le quartier de Manhattan, délimité justement par ce triangle formé par Baker Street et Canal Street, Tribeca. Et donc, au cœur de ce lieu à la fois de vie, d'expérience, de concert qu'est la Dream House, La Monte Young et Marianne Zazila, sa compagne, donnent à entendre une musique éternelle. Et plus souvent, enfin, générée par justement des générateurs électroniques. Mais c'est aussi un lieu de concert ou notamment, a été enregistré le disque qu'on va écouter aujourd'hui, Les Tempuras du Pandit Pranad. Bienvenue donc dans ce disque-là. C'est un disque de 1982, l'édition que je vous propose est l'édition CDL qui date de 1999. Et en fait, elle reprend en substance ce concert de 1982, mais l'allonge un petit peu, parce que le CD procurant 74 minutes, ben finalement, il y a 15 minutes supplémentaires qui sont données dans ce format CD. C'est pas rien quand il s'agit justement de faire d'une expérience musicale une stase, une transe plus ultra, j'ai envie de dire. Et la transe, c'est bien le maître mot de ce qui va nous diriger là. La Monte Young rencontre la musique indienne et auprès du Pandit Pranad assez tard dans la culture musicale de la Monte Young. La Monte Young, c'est déjà un compositeur ultra présent et ultra influent à partir du début des années 60. Tandis que le Pandit Pranad, c'est quelqu'un qui va arriver après et qui va justement peut-être corroborer, être la raconte définitive de Lamont Young avec un grand maître de chant indien. Et c'est par lui que je vais commencer avant peut-être de revenir sur Lamont Young. Parce qu'effectivement, le Pandit Pranad, Pandit c'est un mot indien pour, d'Inde du Nord pour définir un maître, quoi. Et c'est un maître de chant, c'est quelqu'un qui quitte Delhi, où il enseigne déjà, mais il s'embête un petit peu et se sent peut-être légèrement coincé dans une forme d'orthodoxie, si vous voulez, indienne. Parce que la musique classique d'Inde du Nord, il ne faut pas l'entendre et pas l'imaginer comme une musique finalement traditionnelle qui ne sortirait pas de ces dogmes d'antan. Elle est en constante évolution. Et le Pandit Pranad, et notamment en créant des tempuras qui lui sont spécialement dédiés, va être quelqu'un qui va décentrer un petit peu l'orthodoxie. Il va tant la décentrer qu'à un moment, il va falloir qu'il s'évade. Et prenant ses ailes, il va se retrouver à New York. Et le New York de la fin des années 60 que va rencontrer le Pandit Pranad est le New York absolument effervescent et qui s'articule autour de tous les courants qui sont traversés par la ville à ce moment-là et principalement des gens issus de la post-modern dance, du minimalisme, etc. J'en nomme quelques-uns, j'en oublierai sûrement. Mais Simone Forti, par exemple, et je commence par la citer elle, c'est quelqu'un c'est une chorégraphe, une danseuse, mais c'est aussi quelqu'un qui va se livrer à des enregistrements de terrain, qui va donner dans le sonore de manière très discrète, mais néanmoins avec une inflexion toute particulière. Elle va apprendre auprès du Pandit Pranad. John Hassell, un trompettiste légendaire dont le son était filtré par de l'eau et qui va initier le concept des Fourth World que récupérera Brian Eno et qui donnera lieu à des sorties discographiques très très haut de gamme. Un autre trompettiste, Don Cherry, qui lui vient du camp d'Ornette Coleman et qui aussi prend ses propres initiatives et va croiser une musique indienne. On a parlé de Don Cherry ici d'ailleurs, rappelez-vous. Et puis bien sûr, parce que je les gardais pour la fin, les artistes de ce cœur comme ça, minimaliste, Lamont Young, évidemment, Lamont Young, et de suite, dans la foulée, le copain de toujours de Lamont, Terry Riley. Voilà, Henry Flint aussi, voilà, le nom revient par la tête, donc Henry Flint c'est encore un autre camp, une espèce de hillbilly ultra-intellectuel, mathématicien de haute volée. Et c'est intéressant de même parler de l'aspect mathématique qu'il peut y avoir dans la pensée de ces gens-là à l'époque, pensée qui va croiser la structure même de la musique. On va commencer autour de ces gens-là à formaliser quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir commun, mais pas tout à fait écrit, quand finalement on va commencer à parler de notes et de fréquences, de rapports entre nombres premiers, de sine wave qui vont, si vous voulez, c'est assez dur à expliquer, mais une vibration d'un Do à 216 Hz, elle n'est pas la même que celle d'un Do à 220. Je reviendrai là-dessus, notamment quand on parlera un petit peu de ce tuning très particulier des tempuras du Pandit Pranad. Parce que comme je le disais, il en fait plusieurs. Et ma foi, c'est les toutes dernières qu'avait créé le Pandit qui sont jouées là par Lamont et par Marianne. Le disque est très particulier, vous verrez, c'est une stéréo parfaite. Avec sur le canal 1, Marianne Zazila, sur le canal 2, Lamont Young. Et avec une forme de miracle qu'il faut soulever ici, les tempora vont rester étonnamment accordés. C'est très difficile, hein. Tout joueur d'instrument à cordes sait que c'est difficile de tenir pendant plusieurs heures, mais même pendant plusieurs minutes, un instrument dûment accordé. Or, l'accordage, c'est le maître mot du Pandit-Prandnath et puis de la Montaigne lui-même. Donc du coup, il y a eu un gros travail d'accordage et de préparation de l'instrument. Tout a été mis en place pour que, jusqu'aux conditions météorologiques, ne puissent pas altérer la tonalité de l'instrument. Quand le temps est humide, quand le temps est froid, l'instrument est beaucoup plus sujet à se désaccorder que par temps sec. C'est donc en juillet, le 15 juillet 1982, entre 7h35 entre 6h37 et 7h35 que va être enregistré ce disque. C'est extrêmement précis. Hein, et ça, ces informations-là, c'est Lamont-Taillon lui-même qui les donne. Il est d'une rigueur et d'une précision. Les documentations sur tout le travail de Lamont-Taillon sont colossales. Et tant mieux, parce qu'on y apprend effectivement énormément de choses. Et voilà, il fallait que ce soit joué à ce moment-là, plutôt que je jouais dans la moiteur du mois d'août, peut-être qu'il se porterait un petit peu plus d'humidité, quand bien même on sait qu'au mois de juillet, à Manhattan, il fait quand même drôlement chaud, et a fortiori, pour des conditions climatiques encore plus rigoureuses et sujettes au froid à partir du mois de novembre. Donc ça a l'air d'être un détail, mais c'est quand même très très très important, la monte insiste pas mal là-dessus. La manière même de jouer de l'instrument, puisque c'est un instrument à cordes sur lequel forcément vous allez un petit peu poser les doigts, la pression des doigts va favoriser le désaccordage de l'instrument. Donc il y a une pression certes effective, mais relative. Il y a un jeu de placement du vibrateur, parce que effectivement tout le fondement même de la tempora, c'est que ce chevalet relativement épais qui repose au bas de l'instrument est en fait un vibrateur qui va amplifier justement ces vibrations et donner la sonorité continue si caractéristique de la tempora. Alors la tempora, c'est un instrument que Lamont-Taillon va découvrir bien avant de rencontrer en 1970 le Pandit-Prandnath. Et la tempora elle-même a déjà séduit. Voilà, on l'a vu à Woodstock. Et oui, évidemment. Donc avec comme ça des grands maîtres que on est à partir de la deuxième moitié des années 60 très réceptifs en Occident sur la culture indienne. J'ai envie de dire la faute aux Beatles. Dès 1966 ou 7, les Beatles vont rencontrer Ravi Shankar. Et Ravi Shankar et George Harrison et l'ensemble des Beatles vont jouer ensemble. Donc tout d'un coup, lumière est faite sur une culture qui était pour le peu, si on peut-être pas ignorée, mais en tout cas, c'était pas une culture occidentale, c'était l'Inde, c'était pas nous. Mais là, voilà que le « nous », non seulement on découvre la culture indienne, mais s'en inspire à qui mieux, quoi. Et cette révolution, elle est majeure. Elle se fait sans heurts particuliers, mais elle est colossale. Et de fait, elle est introduite même dès les années 50 avec un vif intérêt de la musique classique et post-classique sur cette musique classique du nord de l'Inde. Je le répète, c'est une musique extrêmement compliquée qui joue des microtonalités, de quarts de ton. Et quand bien même elle n'a pas mis en avant l'harmonie, elle est d'une immense complexité rythmique et mélodique. Donc la rencontre de ces deux cultures, elle se fait d'abord dans un camp un petit peu savant, issu de la musique classique, post-classique, et puis finalement elle va toucher la faute aux Beatles, je le répète, mais aussi pas mal l'autre dans la foulée, une culture pop beaucoup plus mainstream, et en même temps très, très, très engagée dans son époque, c'est les fameuses années 60, ce creuset psychédélique qu'on connaît bien. Et ma foi, hein, quand on parle de psychédélisme, avoir le son de la tempora derrière, qui est totalement idioïne aux effluves psychédéliques et qui évoque à lui tout seul les effets de divers psychotropes, il n'y a pas meilleur comme mariage. Il y a aussi une association sociétale et culturelle qui tombait à pile. Donc Lamont, je le disais, revient là-dessus sur sa découverte de l'instrument. C'est un Lamont tout jeune. Il entend pour la première fois la tempora dans un disque de 1955 c'est un disque mythique, d'Ali Akbar Khan, le très fameux Morning on Evening Ragas. C'est raga, donc, du matin et du soir. Ça passe à la radio à Los Angeles. Young a 20 ans. Il vit chez sa grand-mère. Et c'est le tout premier enregistrement américain d'Ali Akbar Khan. Hein. Il s'est fait d'ailleurs à New York. C'est un concert qui avait été parrainé, financé et produit au Museum of Modern Art de New York, le New York MoMA. Exactement en avril 1955. Très vite, l'album sort. Il est donc diffusé sur les ondes de cette radio à Los Angeles. Lam Hoon Cheung se précipite hors de la maison de sa grand-mère, prend une voiture et court acheter le disque dans le centre de la ville. Il le ramène à la maison et là, il s'enferme dans sa chambre. Et puis, il écoute les musiciens qui sont présentés par Yehudi Menuhin, figurez-vous, le violoniste Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin donc présente voilà, les instrumentistes. Voici Monsieur Ali Akbar Khan au sarod. Voici Monsieur Chatur Lahey au tabla. Et le troisième instrument, bah, celui qu'on présente qu'en dernier, à la limite, c'est celui auquel on fait le moins attention. Le tamboura joué par Monsieur Gore. Et le son qui suit cette introduction, finalement, il dure qu'une poignée de secondes. Il n'est pas très long sur l'enregistrement. Mais il a un impact absolument considérable sur le jeune compositeur. Est-ce qu'à 20 ans, en 1955, tout pile, Lam Hoon Cheung y voit déjà la base d'une musique qui va se construire autour de tons soutenus, d'une pulsation rythmique sublimée mais extrêmement ralentie? La question est là, avec un immense point d'interrogation. Mais les premiers pas de Lam Hoon Cheung ne tardent pas. C'est-à-dire qu'en 1958, il va écrire sa première pièce forte, Trio for String, pour un violon alto et un cello. Et ça présage totalement de ce qui va suivre par la suite. Notamment, et celle-ci, on se plaint à la narrer parce qu'elle est peut-être indépassable de radicalité et en même temps, elle va ouvrir la voie à plein d'autres choses. C'est la composition 1960, numéro 7, et qui repose comme ça sur deux fréquences et deux seules. Une quinte juste avec un si grave sur un canal et un fa dièse de l'autre. Et ces deux seules notes, tout de go, vous sont diffusées comme ça, par le biais de deux générateurs électriques. Donc un son de synthèse, mais de synthèse primaire, voire primordiale. Pas du tout dans le synthé, mais néanmoins dans la sine wave, dans la fréquence électrique. Voilà. Alors, autant dire que Lam Hoon Cheung est prêt, j'ai envie de dire. Et le disque qui va suivre avait une vertu pédagogique au départ. Lam Hoon Cheung avait ses disciples et des étudiants, pour qui d'ailleurs il y avait une certaine difficulté d'abord à acquérir une tambura, une très belle tambura. C'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver, qui est évidemment coûteux. Donc, si on revient à cette fonctionnalité de base de la tambura qui consiste à poser des drones et permettre à l'instrumentiste ou chanteur de travailler sur ces drones, il n'y avait pas de raison de forcément s'encombrer d'un instrument, qui lui-même est d'ailleurs assez encombrant, hein. Mais peut-être le poser tout simplement sur une bande, sur une cassette, et permettre aux étudiants de travailler chez eux. C'était même supposément un moyen plus facile pour Lam Hoon Cheung et Marianne Zanzella de travailler eux aussi à leur tour, ou éventuellement de tourner, puisque eux-mêmes chantent, sur cette base instrumentale. Ça a été le cas quand Lam Hoon Cheung et Marianne Zanzella, accompagnés d'un joueur de tabla, sont venus, la dernière fois qu'ils sont venus jouer en Europe. C'est passé par Berlin, c'était pas là, Paris. Et donc les tempura étaient préenregistrés. C'est dire que l'instrument peut-être manquait parfois de visibilité. Et le disque là qu'on va écouter, maintenant, bah, il réhabilite complètement ça. Je vous le disais, il y a énormément d'informations sur toutes les documentations apportées par la Montaillon lui-même, sur ses enregistrements. Bon, celui-ci vient directement de la Blue Mouse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... C'est devenu un mythe, mais les disques de la Montaillon sont extrêmement rares. En fait, il n'y a pas de distribution, ou si peu. Et ma foi, il fallait aller là-bas pour les trouver. Les choses changent depuis peu. Donc, autant le dire tout de suite. Et c'est très bien de faire de la promotion pour la Montaillon et le Dia Foundation, qui distribue sa musique et qui le représente. Les enregistrements majeurs, pas tous, mais les enregistrements majeurs de la Montaillon, et dont celui que je vais vous proposer tout à l'heure, sont sur Bandcamp. Voilà, il y a fort à penser qu'avec la copie numérique que vous aurez, parce que je ne pense pas qu'il y ait de copie physique, mais il y a quand même une copie numérique extrêmement propre, vous aurez la documentation à laquelle je me réfère là. Et alors qui pour moi consiste dans un CD de plusieurs pages, hein. Je crois qu'il y a 48 pages, c'est pas mal. Et justement, tout à fait, en exergue de CD, il y a ce mot de Terry Riley, qui met en avant la spécificité de ce disque en disant « Vous tenez un trésor qui n'a pas d'équivalent, qui n'en avait pas avant, et a priori, on peut se dire qu'il n'y en avait pas après. » C'est justement cette faculté de mettre de la tempura, et uniquement de la tempura, sur une heure, un quart d'enregistrement. Alors, laquelle est-ce un petit peu cette tempura ? Je vais essayer de ne pas me perdre dans les détails, parce que de toute façon, moi-même, je m'y perds. On arrive dans une complexité. Il faut savoir que c'est, je pense, le cinquième instrument que va créer le Pandipranat. Alors, évidemment, l'instrument n'est pas totalement revu from scratch, quoi. Mais il y a des modifications qui sont assez importantes, à la fois sur le plan tonal, à la fois sur le plan spectral. L'instrument va s'allonger, le corps va s'allonger. Elle est plus grave, elle est plus difficile à jouer, aussi dit-on. Et chose extrêmement intéressante, elle est accordée un petit peu hors des schémas habituels. Et je vais revenir, et là je m'empresse de prendre le CD dans les mains, puis retrouver quand même les bonnes informations, parce que là il convient d'être quand même le plus juste possible. Alors, justement, original de 1982, la monte use une tempura avec une fréquence sur le do déterminée à 256 Hz. Oui, comme ça, entre vous et moi, voilà, une note, c'est une fréquence. La fréquence qui fait loi ici en Occident, c'est le La 440. Il fait 440 Hz. Si vous divisez 440 par 2, vous vous retrouvez à 220, c'est aussi un La. Mais à l'octave inférieure. Et puis, si vous multipliez 440 par 2, 880, là, vous allez vous retrouver avec à l'octave supérieure. Voilà, micro-parenthèse, pour être assez clair. Donc, le Si 256, le Si comme le Do, il ne convient pas à la Montaillon, tout comme il ne convenait pas au Pandi. Donc, il a été revu à la baisse. Les fréquences de base de la tempura se construisent autour de 4 cordes. Alors 4, c'est pas forcément un chiffre d'ailleurs hyper... On peut monter jusqu'à 6 cordes dans la tempura. Mais voilà, plus communément, on en trouve 4 et parfois 3 aussi. Les 4 cordes, le Do à 256 Hz. Un autre Do, donc de moitié inférieure à 128 Hz. Le Pa... dont je traduirai pas la note, qui est à 96 Hz, et enfin la note la plus basse à 64 Hz. C'est très grave quand même, 64 Hz. C'est très grave. On n'est pas dans l'infrabasse, mais on est quand même dans le grave, très grave. Ces quatre notes vont elles-mêmes être ralenties par le procédé et par le biais de l'enregistrement. C'est-à-dire que, in fine, la session enregistrée va être ralentie de 16/15 par rapport à la vitesse originale. Donc ce ralentissement qui correspond, ce 16/15, c'est un pitch assez fort. Hein, c'est un pitch qui doit dépasser les 6%. Imaginez-vous sur une table de DJ, votre 33 tours tout d'un coup passe à 6% de moins, vous allez sentir les ralentissements. Et c'est exactement ce qui va se passer sur les fréquences qu'on va entendre. Et c'est très, très intéressant de souligner ça. C'est pas un truc qu'on peut deviner, même à l'écoute. Mais, et puis, merci à la Montagnon d'apporter toutes ces précisions, parce que, comme je le dis, ça ne s'invente pas. Ça nous remet dans, finalement, l'objectif peut-être premier de la Montagnon, qui est quelqu'un qui va... C'est pas quelqu'un qui va faire de la musique indienne. C'est là qu'est tout le paradoxe, et c'est probablement là qu'est tout l'intérêt. La Montagnon et Marianne Zanella vont s'embarquer dans le vaisseau de la musique indienne. Ils vont le prendre comme un véhicule qui va leur permettre de faire passer leurs fondamentaux. C'est-à-dire la tonalité juste, la microtonalité, et les jeux de microtonalité, et ces écarts de microtonaux qui peuvent être tout à fait infimes. La tonalité juste, oui, j'y reviens, c'est-à-dire pas la tonalité orthodoxe post-Jean-Sébastien Bach. Donc, la gamme non tempérée, hein, mais de façon claire. Et puis, le drone, le bourdon, la sonorité continue. Et ces trois choses réunies dans un même concept, qui est un peu plus éloquent dans l'heure un quart qu'on va passer ensemble, ont rarement trouvé comme ça, justement, autant d'éloquence que ça. Et arrive par-dessus ce procédé mécanique de ralentissement qui pose l'objet et qui fait qu'il est indépassable, qui fait que vous ne pourrez pas le refaire. Et même si vous le refaites, de toute façon, il ne sera pas fait pareil. Il y a une dernière chose sur laquelle je veux vous mettre en garde sur l'enregistrement qu'il va choisir. C'est d'une fragilité inouïe. La Dream House, ce n'est pas un studio haut de gamme. C'est un espace assez fabuleux, magique, mais il est sujet aux interactions sonores. On est dans le cœur de Tribeca à New York, il y a du bruit. Et on l'entend, ce bruit. C'est ça qui est génial. Quand bien même on se situe à l'étage, il y a les bruits du murmure de la ville, il y a notamment un bruit, j'ai envie de dire un bruit de bus, enfin, qu'est-ce que j'en sais, ça va être en tout cas un bruit de moteur qui va revenir deux fois, trois fois dans l'enregistrement, et spécialement une fois, il est vraiment présent. Et il y a ce bourdon qui devient presque une infrabasse, qui s'ajoute, c'est un bourdon naturel, c'est un bourdon de la ville, de l'industrie, qui va s'ajouter à la transe d'origine. Ce parasitage est absolument génial. Il est absolument génial. Je ne sais pas quoi dire de plus. Alors, soyez très attentifs. Attention, on est dans une musique qui est plus que soutenue, quoi. Et pour certains, ce n'est pas de la musique. Bon, bah, en quel cas, j'ai rien à dire de plus. Allons-y. Les Tempuras du Prandi, Prandnath, 75 minutes de transe parfaite. Bonne écoute. C'est toujours Cargo Culte. Thank you. Et ça s'arrête sans crier gare. Pas de fade out, pas même un fade in non plus au début. Voilà, c'est l'instant d'un instant. Et ces 74 minutes, c'est l'instant de quelque chose de plus grand, c'est l'instant de quelque chose peut-être insondable, quoi. Nous avons déterminé à un certain moment que notre médium était le temps. Voilà, c'est ce que dit le couple Mayan Zazila, Lamonte Young. Et pas seulement en référence à cette expérience qu'on écoutait, donc des tempuras du Pandi Prandnath. L'enregistrement de 82, je vous le disais, ça c'est l'édit de 1999, qui profitant des facilités du CD, pouvait mettre 74 minutes de musique. Mais on peut imaginer bien plus. Je me suis même fait un édit perso de plus de 6 heures. Voilà, et puis il m'arrive de le mettre comme ça pour habiter un espace, pour habiter un temps... pendant X temps, quoi. Donc, vous pouvez considérer que la version que vous avez entendue là, c'est de 74 minutes, n'est que la version courte, d'une certaine manière. Voilà, bah merci d'avoir été là, quand même, pour cette expérience. Je suis tout à fait ému sur le chat qu'il y a un pseudonyme pris par quelqu'un que je crois deviner qui se cache derrière, mais cette personne a pris comme pseudonyme Daniel Co. Comme c'est sympa de rendre hommage à Daniel Co, qui a été, d'une certaine manière, le découvreur de Lamonte Young, en tout cas celui qui l'a fait passer en Europe, celui qui l'a introduit à une audience française, mais plus globalement européenne. Daniel Co était c'était le programmateur des nuits de la Fondation MACT, où Thierry Riley a joué, où Lamonte Young a joué avec Mayan Zazila. C'est aussi lui qui était le directeur artistique du label Chandar. Chandar a signé Lamonte Young, tout comme Chandar a signé aussi, au même moment, le Pandi Prandnath, quoi. Et bien sûr, il faut revenir à cette source très, très importante qui est le Pandi Prandnath ici, puisque c'est bien donc de ces tempuras dont joue le couple Young-Zazila. Le Pandi Prandnath est décédé en 1996. Et depuis, chaque été, à chaque début d'été, Lamonte Young et Mayan Zazila font un concert hommage au Pandi Prandnath. Et c'est un moment extrêmement intéressant. C'est à cette occasion-là, moi, que j'ai pu les rencontrer, rapporter le disque qu'on écoute aujourd'hui. Et puis, bien sûr, la somme d'informations que je vous délivre là, en fait, partiellement. Ça reste une date rituelle. Et ça se passe donc à cette Dream House, qui a déménagé d'ailleurs, mais elle est toujours au cœur de Manhattan, à Tribeca. Et si vous avez la possibilité, allez-y, quoi. Évidemment, parce que c'est bien que l'œuvre soit éternelle, leurs auteurs, eux, ne le sont pas. C'est peut-être la triste réalité qu'il faut rappeler là. Jacqueline Co. Et c'est la femme de Daniel Co, on vient juste de l'évoquer. Jacqueline Co m'avait dit assez récemment, j'ai déjà dit, c'était une note ici dans Cargo Culte, mais il me plaît à la répéter, que justement, dans un des très très rares concerts que Lamonte Young donnait chez lui, Jacqueline Co, avec Philippe Glass, était au concert. Alors, Philippe Glass remplit le Carnegie Hall quand Lamonte Young, lui, remplit sa Dream House, mais pour 50 personnes. Et pourtant, Philippe Glass est extrêmement reconnaissant et extrêmement conscient de l'héritage et de l'importance de Lamonte Young dans cette généalogie minimaliste, d'une certaine manière. Et il la résume très, très bien, puisque Philippe Glass dit « Lamonte Young est le roi, Thierry Riley est le prince, et nous, alors quand il parle de nous, il parle de lui et de Steve Reich, nous sommes les vassaux. » Donc voilà cette généalogie de chevaliers, de rois et chevaliers. L'expression est très très jolie et merci à Jacqueline de me l'avoir rapportée. Elle témoigne de pas mal de sagesse et évidemment d'une réelle reconnaissance. Bon, après ces 75 minutes de transe et de stase parfaite, exigeante mais élevée et en même temps finalement facile à appréhender, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus musicalement. Si Cargo Culte a coutume de trouver un morceau de sortie qui permet de prendre comme ça une petite tangente et glisser un hommage derrière un hommage, Je ne vois pas du tout ce qu'on peut ajouter de plus là, parce qu'ajouter l'extrait d'une autre œuvre de La Montagne Jungle n'aurait pas de sens. Si on y revient un jour, ce sera certainement pour une œuvre aussi longue, et peut-être encore plus longue que celle qu'on a entendue aujourd'hui. Exprimer l'importance de La Montagne Jungle auprès de ses disciples premiers, à commencer par John Cale ou d'autres gens qui étaient issus du Theatre of Eternal Music, certes, on en a déjà parlé ici, mais ce serait presque évident, et j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus le propos de cette stase temporelle qu'on a définie là. Donc, dans ces cas-là, quand je n'ai pas d'idée, je me tourne vers la personne au monde qui m'en donne le plus, c'est Dinah Bird, ex-présidente de cette radio, et à qui je dis, mais alors qu'est-ce que je peux mettre comme sortie de ce programme, c'est La Montagne Jungle, et spécialement des temporas du Pandi Pranad joué par Marianne Zazila et La Montagne Jungle. Tout de go, Dinah me dit, Elvis. Alors je dis à Dinah, mais pourquoi? Parce que King. Voilà, parce que King. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Saying a prayer for someone I really could care for. Blue moon.